إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الفتن الصارفة عن الحق والهدى تأتي من جهات مختلفة فيحتاج العبد أن يعنى عناية عظيمة بوسائل الثبات على الحق والهدى والفتن نوعان فتن الشبهات فساد في العلم وفتن الشهوات فساد في العمل ولا يكون المرء مستقيم على دين الله تبارك وتعالى إلا باستقامته على العلم النافع والعمل الصالح قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح فلا يكون من العبد استقامة على الحق والهدى والسلامة من الشبهات والشهوات إلا بلزومه لهذه الجادة ورعايته لها العلم النافع والعمل الصالح ومن أسباب الثبات على الدين تلاوة القرآن قراءة وتدبرا وتأملا والعمل به قال الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قراءة وتدبرا وتأملا لمعاني القرآن الكريم ومجاهدة للنفس على العمل به تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وليس كما الذي نرى من بعض الناس الذين يتلون القرآن يقرؤون بأحسن الأصوات وبأحكام التجويد ولكن لا يعملون بهذا القرآن ولا يتدبرون بآيات الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به العناية بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهدة النفس على العمل والتعبد وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى من مجيبات الثبات العظيمة. وتأمل هذا المعنى في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الإيمان والعناية به موجب لثبات المرء، وذلك أن يعتبر العبد المؤمن إيمانه أغلى شيئا وأثمن شيئا يمتلكه، وتكون محافظته على إيمانا ورعايته لدينه أشد من رعاية أهل الدنيا لدنياهم، وتكون أيضا محاسبته لنفسه على أمور الدين وأعماله أشد من محاسبة ذوي الأموال في باب تحصيل الأموال واكتسابها والسلام من الخسارة فيها. فإن المؤمن يعتبر إيمانه ودينه أغلى ما يملك وأثمن ما يملك، فتكون عنايته بدينه عناية عظيمة عقيدة وعملا. فإذا كان بهذه المحافظة والعناية لدينه كان ذلك موجبا بإذن الله تبارك وتعالى لتثبيت الله له على الحق والهدى. فإن صحت المعتقد ومجاهدة النفس على صلاح العمل موجب للثبات. فنتأمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض روايات الحديث ما يفسر ويبين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن من صحت عقيدته واستقام على دين الله تبارك وتعالى فإن الله يحفظ له دينه ويحفظ له إيمانه ويسلمه بمنته وكرامه من الزيغ ومن الضلال. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي أنه قال: لا يعرف لمن صحت عقيدته أن حصل لهم مثل ذلك، وإنما يكون مثل هذا الأمر لمن عنده تفريط وعدم اهتمام وعدم مبالاة أو عنده انحراف في جانب الاعتقاد. ولهذا كان أرباب البدع وأهل الأهواء من أشد الناس تقلبا في الدين وتلونا من طريقة إلى طريقة ومن مسلك إلى مسلك. أما المعتقد الصحيح والإيمان القويم فهو عصمة لصاحبه وأمنة له بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل وأن يرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Craignez Allah Azza wa Jal et sachez que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous le jour où vous retournerez tous devant Allah Azza wa Jal. Le jour où l'on retournera tous devant Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et la parole d'Allah, c'est le Coran. Le Coran, et le Coran fait partie de Tawhid, l'Asma wa Sifat, de l'unicité d'Allah dans sa, dans ses noms et attributs. Sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées, des voies, c'est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabes. Et que les choses les plus détestables sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah. Et tout ce qui est inventé dans la religion complète d'Allah, qui sont les choses les plus détestables, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'affirmait à chaque khotab. Ce sont toutes des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et sachez que l'innovateur est un pécheur, celui qui invente dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il veut adorer Allah Azza wa Jal comme bon lui semble. Il ne veut pas retourner ni au Coran ni à la Sunna. Il pense ce qu'il pense et bien, il veut adorer Allah comme cela. C'est un pécheur. Il perd son temps et c'est un pécheur. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne pas commencer à adorer Allah Azza wa Jal selon ce qu'on pense être bien. Mais si on fait un acte d'adoration, on se doit de s'assurer que l'on connaît la preuve sur cela. Ainsi, si un frère vient te voir et te dit « Mais pourquoi tu fais cela ?» Eh bien, tu lui dis « Allah dit », le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et si tu dis « Allah dit », tu ne dois pas prendre le verset et l'expliquer à ta manière, mais tu dois t'assurer que c'est bien la compréhension de nos pieux prédécesseurs, l'explication que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses sahabas et qui l'ont transmis. Car de nos jours, les gens de l'innovation, qui ne souhaitent que l'égarement à la communauté, prennent des versets et les expliquent à leur façon. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Mais ils auront beau mentir à tout le monde. Mais ils omettent et ils oublient une chose importante, c'est que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Au moins dans ta tombe, toutes les œuvres que tu as agies, tu t'es assuré que tes œuvres sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Et non pas, tu inventes de ta propre manière en espérant une chose. En espérant une récompense que tu n'auras pas, mais un péché que tu auras. Qu'Allah nous en préserve. Serviteur d'Allah, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et c'est en craignant Allah Azza wa Jal avec une crainte pieuse, et en étant sincère envers Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal te facilite la compréhension de la religion. Car tu ne veux que le haqq, tu ne veux que la vérité. Et tu aimes la vérité, tu aimes le haqq et tu aimes les gens du haqq. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il sait que dans le cœur d'un de ses serviteurs il y a le bien et il veut la vérité et il veut le haqq, Allah le guidera au bien. Mais l'individu qui n'est pas intéressé par la vérité et qui est intéressé que par ses arguments analogiques ou que par un tel a dit et un tel a dit, celui-ci ne veut pas la vérité. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et il sait qui mérite la guider et il sait qui seront bien guidés. Serviteur d'Allah, les troubles qui égarent de la vérité et de la guider viennent par différentes approches. C'est pour cela que l'individu a besoin de prendre avec grande considération les moyens qui lui permet de se maintenir sur la vérité et la guider. Et les troubles sont de deux types. Les troubles des ambiguïtés, qui sont la corruption dans la science, et les troubles des désirs, qui sont la corruption dans les œuvres. Et l'individu ne sera pas sur la rectitude, ni sur la droiture de la religion d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce qu'il se résolve à être droit dans la science bénéfique et les bonnes œuvres. Et rappelons que lorsque l'on dit les bonnes œuvres, ce sont toutes les œuvres qui sont en conformité avec la législation d'Allah le Très-Haut, et non pas ce que les gens pensent être de bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, ce sont toutes les œuvres en conformité avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité. Avec la guidée et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Et la guidée correspond à la science bénéfique. Et la religion de la vérité correspond aux bonnes œuvres. Donc l'individu ne connaîtra pas la rectitude sur la vérité et la guidée, et sur le fait d'être préservé des troubles, des ambiguïtés et des désirs, seulement s'il s'efforce à prendre soin et à prendre en considération d'acquérir la science bénéfique et de faire les bonnes œuvres. Et parmi les causes de la stabilité dans la religion, de la rectitude dans la religion, il y a la récitation du Coran, qui implique sa lecture, méditer dessus, le comprendre et le mettre en application. Car comme on le répète constamment, le Coran a été révélé aux vivants et non aux morts. Donc ce n'est pas lorsque quelqu'un meurt, on commence à lui réciter le Coran. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran aux vivants, afin qu'il médite dessus. Le mort, il ne peut pas méditer dessus, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le mort, toutes ses œuvres, stop, s'arrête. Excepté ces trois choses, un enfant pieux qu'il a laissé, ou une sadaqa jariya, une aumône qui reste, ou une science bénéfique qu'il a laissée. Mais sinon, toutes ses œuvres, stop. Donc c'est pour cela que lorsqu'on met sur la balance les œuvres des gens, et notre juge c'est le Coran et la Sunna, on se rend compte que beaucoup s'égarent et beaucoup inventent dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Donc le Coran a été révélé aux vivants. Et lorsqu'on récite le Coran, ce n'est pas juste que tu prennes le Coran et que tu le récites. Lorsque des frères sont dans la mosquée et que tu récites le Coran à voix haute, tu pèches. Car tu déranges celui qui fait du dhikr, celui qui fait la prière et celui qui reste silencieux en pensant à la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce n'est pas juste on récite pour réciter. Car le Coran peut être, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il peut être une preuve pour toi ou contre toi. Alors tu récites les versets où Allah Azza wa Jal t'ordonne ceci, où Allah Azza wa Jal t'ordonne d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ni tu fais ceci et ni tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut être une preuve pour toi ou contre toi. Donc les causes dans la stabilité de la, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, l'islam, la seule religion qu'Allah Azza wa Jal accepte, il y a la récitation du Coran qui implique sa lecture, méditer dessus, le comprendre et le mettre en application. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Mes versets vous étaient récités auparavant. » Méditons dessus. « Mes versets vous étaient récités auparavant. » Mais vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Méditons ensuite sur ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Ne médite-t-il donc pas sur la parole, yani le Coran? Ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Donc cela implique la lecture du Coran, méditer dessus, le comprendre et efforcer son âme à œuvrer sur le Coran. Il faut également s'assurer de faire les bonnes œuvres. Comme j'ai dit, c'est-à-dire les bonnes œuvres qui sont en conformité avec la législation d'Allah Azza wa Jal. En faisant des efforts, en luttant contre son fort intérieur, comme il convient, afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut par ses œuvres pieuses. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, efforcer son âme à faire des bonnes œuvres et à se rapprocher d'Allah le Très-Haut, par cela, c'est une des causes de connaître la stabilité et l'affermissement dans la religion d'Allah le Très-Haut. Donc, on doit comprendre les causes et non dire aux gens, soyez fiers de votre religion, soyez des musulmans. Mais il faut comprendre les causes afin de pouvoir les mettre en application. Donc méditons donc sur, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, Allah affermit les croyants par une parole ferme. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc avoir la croyance correcte et en prendre soin mène à la stabilité et à l'affermissement de l'individu dans la religion. Donc il faut avoir la aqida, la croyance correcte, et on en prend soin. Eh bien cela c'est une des causes de la stabilité et de l'affermissement dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc il incombe donc à chacun d'entre nous et à tous les musulmans et musulmanes de prendre sa croyance comme la chose la plus chère qu'il possède et que la préservation de sa foi ainsi que de sa religion et l'attention qu'il lui donne soit plus ancrée et plus forte que l'attention des gens qui veulent le bas monde donnant à leur bien. Ton attention et le fait de prendre soin à ta croyance et à ta religion doit être plus forte que l'attention que donnent les gens de la dunya, de ce bas monde, qui veulent ce bas monde, en s'assurant qu'ils n'ont pas de perte, en s'assurant qu'ils vont avoir telle chose. Eh bien, toi, ta religion, ta croyance doit être plus forte que cela. L'attention que tu dois porter doit être plus forte que cela. Et ça doit être la chose la plus chère que tu dois avoir. Le musulman considère que sa religion et sa croyance sont inestimables et sont les choses les plus chères qu'il possède. Si la croyance est correcte et que la lutte contre son fort intérieur afin de faire des œuvres pieuses sont correctes, ce sont alors des causes de la stabilité et de l'affermissement de la religion. Méditons donc sur ce qui a été rapporté dans les deux sahih, Bukhari et Muslim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, en dehors duquel il n'est pas de divinité digne d'adoration en toute vérité, l'un de vous accomplit des actes, comme en font les gens du paradis, au point qu'il ne reste qu'entre lui et le paradis une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin et amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer qui l'y font rentrer. Et il y a d'autres narrations de ce hadith qui clarifient ce point, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du paradis selon ceux qui apparaissaient aux gens. » Donc les gens, l'individu, il fait des actes. comme les actes des gens du paradis, mais ils faisaient des bonnes œuvres selon ce qui apparaissait aux yeux des gens. Les gens pensaient que cet individu-là ne faisait que des bonnes œuvres. Mais Allah Azza wa Jal expose l'hypocrite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que les savants ont dit que celui qui a une croyance correcte et qui s'est mis dans toute la rectitude de la religion d'Allah le Très-Haut, Allah lui préservera par cela sa religion et sa foi. Et le préservera de l'égarement de par la bonté d'Allah le Très-Haut. C'est pour cela que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit dans son livre La réponse suffisante que il n'est pas connu que celui dont sa croyance est correcte, qui lui est arrivé ce qui est mentionné dans le hadith. Il n'est pas connu que celui dont sa croyance est correcte, qui lui est arrivé ce qui est mentionné dans le hadith. Mais cela arrive à celui qui a des manquements et qui ne donne pas d'importance ni ne fait attention à la justesse de sa croyance ou qui a un égarement dans sa croyance. C'est pour cela, serviteurs d'Allah, que vous verrez que les têtes parmi les innovateurs et les gens des passions sont ceux qui connaissent le plus d'instabilité dans la religion d'Allah, le plus de changements de sentier en sentier, empruntant différentes voies, changeant de couleur lorsque ça les arrange. Tandis que la croyance correcte et la foi ferme sont une préservation pour celui qui les possède et une sécurité par la permission d'Allah le Très-Haut. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer le vrai comme étant le vrai et qu'on le suive, et de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'on l'évite et qu'on s'en écarte. Il y a un point que j'aimerais souligner avant de terminer. Barakallahu fikum. Il y a un frère qui est actuellement à l'hôpital qui a eu un AVC. Et c'est le frère Mohamed qui est le trésorier. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il le guérisse. Et qu'il lui donne une bonne guérison et qu'il soit rétabli dès que possible. Amin. Mais cependant, mes frères, barakallahu fikum, laissez les responsables de cette mosquée s'occuper de la responsabilité. Ils ont une responsabilité. Ce n'est pas comme toi, tu es assis devant ta télé et tu n'as rien d'autre à faire à venir embêter le peuple ici. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est pas comme ça? Il y a des responsables qui s'occupent. Ils ont une famille à gérer, ils ont des responsabilités à gérer, ils ont des rencontres à faire, ils doivent voir un tel, voir un tel. Ils sont chargés dans cela. Arhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ayez de la miséricorde sur ceux qui sont sur terre. Et celui qui est au-dessus des cieux aura miséricorde sur vous. Prenez en considération cela. Prenez en considération que les gens qui ont des responsabilités n'est pas égal à quelqu'un qui n'en a pas. Alors, être responsable d'un lieu de culte, et vous savez, toutes les difficultés que cela a, et les difficultés qu'il rencontre. Donc, je propose que si n'importe quel individu a un différent avec les cours qui sont donnés ou les khotab qui sont enseignés, qui sont donnés, ils viennent voir celui qui les fait. Et non pas va aller voir un tel et un tel, le président et tout cela. Donc, on prendra comme juge le Coran et la Sunna. Celui qui est indifférent ou n'est pas d'accord avec quoi que ce soit, on s'installe tranquillement, bihoudou, calmement. Vous pourrez contacter le président, on organise un rendez-vous, surtout le week-end, je ne suis pas disponible en semaine, et on pourra qu'à parler tranquillement. Apportez vos livres, tout ce que vous avez. Notre juge, c'est le Coran et la Sunna. Ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, c'est au-dessus de nos têtes. Ce qui l'oppose, c'est en dessous des pieds et on ne le regarde pas. Et donc, cependant, pour des raisons d'indisponibilité, car je serai sur Paris, je ne pourrai pas assurer pendant une période les khotab suivantes, car je ne serai pas le vendredi sur Lisieux, mais sur Paris. Mais, Inch'Allah, on s'arrangera pour continuer à assurer les cours du dimanche, afin de s'assurer, Inch'Allah, que la parole d'Allah soit la plus haute et que la parole des innovateurs soit la plus basse. As-salallahu al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfi akhina Muhammad. Allahumma yashfi, ya arham ar-rahimin, arhamu ya arham ar-rahimin. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أرينا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.